Chapitre 16e. Jambes mordues. Cette scène touchante avait eu des témoins, dont assurément le vénérable shipper et sa digne épouse ne soupçonnaient pas la présence. Depuis que Paulin Broquet avait découvert la villa où l'on gardait Darling, la fillette était surveillée assidûment. La Morse, qui avait pour mission de surveiller la villa de Garches, descendait à Paris avec les honorables shippers et leur petite fille. Quand Darling entrait au cirque, quand il avait vu installer dans la loge, la Morse plaçait un homme qui ne perdait pas de vue l'enfant et devait l'avertir, lui, en cas de fête extraordinaire, d'événements imprévus. Il revenait vers la fin du spectacle et suivait Darling et ses grands-parents jusqu'au moment où ils rentraient dans leur riante ville. Chaque fois, les vénérables shippers conduisaient, après le cirque, Darling dans une pâtisserie où elle lunchait et faisait sa provision de gâteaux pour les desserts à venir. Cette station dans la pâtisserie était un des faits importants de Darling à Paris. Elle complétait le plaisir du cirque. La Morse, en suivant Darling, avait nécessairement vu la dame en deuil occupant la loge voisine de celle dans laquelle se trouvait la fillette. Il vit la dame en deuil parler à Mrs. Shipper et saisit le commencement de ses questions. Quand il fit part de cela à son chef, Paulin Broquet lui dit « Surveille cette femme. Vois qui c'est, et ce qu'elle veut. Pourquoi elle tient tant que cela à entrer en relation avec des braves gens ?» La mort s'en alla à son habitude quérir les renseignements. La dame en deuil, lui dit-on, était une brave femme, petite rentière veuve, et ayant tout dernièrement perdu une fillette qu'elle adorait. Elle était inconsolable. Paulin Broquet insista. « Ne t'en tiens pas au racontard du quartier. Tâche de voir par tes yeux. Tu entends, mon garçon. Je me méfie des gens qui ont tout à coup des sympathies si grandes pour ceux qui nous intéressent. » Mais la dame en deuil paraissait vraiment ne devoir pas justifier les craintes de Paulin Broquet. Après le cirque, elle sortirait et rentrait chez elle, tout bonnement, en voiture, et tenant toujours son mouchoir sur ses yeux, que les larmes ne cessaient de mouiller. Elle ne suivait pas Darling et ses grands-parents jusque chez le pâtissier, et semblait ne vouloir nullement abuser de la bonté des vénérables shippers. Cependant, Paulin Broquet, malgré ses renseignements que lui donnait son second, se disait Cette dame en deuil ne me dit rien qui vaille. Pour qui travaille-t-elle sous son voile noir? Il faudra que j'aille voir ça. » Puis il dit à Gabriel, qui assistait à un des derniers rapports de la Morse, « Mon garçon, va donc voir si entre le cirque, le pâtissier et la villa de Garches, il y a moyen de tromper les aides qui surveillent Darling. Bien, chef. Il me serait agréable de laisser les aides surveiller la villa de Garches et d'enlever Darling chez le pâtissier. Je crois que ce sera l'endroit le plus commode, le moment le plus propice, chez le pâtissier. Mon garçon, va donc voir un peu comment est la maison et si ma pipe, avec l'auto, pourrait manœuvrer facilement devant le trottoir du pâtissier. » Pendant que Gabriel allait prendre ses renseignements et préparer le terrain au chef, qui viendrait ensuite arrêter définitivement le plan de campagne, Paulin Broquet pensa qu'entre deux matinées du cirque et deux lunchs de Darling chez son pâtissier habituel, il pourrait terminer une affaire forcément délaissée pendant ces quelques jours. Il s'agissait de l'assassinat du vieux rentier Thénin. La presse était revenue sur cette affaire. Elle s'étonnait qu'on n'eût pas encore trouvé le moindre indice concernant l'assassin du vieillard. Paulin Broquet lui-même était pris à partie. Quant au chef de la sûreté, il recevait fréquemment des averses de critiques et de blâmes. « Voyons, mon cher Broquet, » dit-il à son détective, « en voilà assez. Les journaux nous accablent. L'opinion s'émeut. Il faut à toute force que vous ne trouviez l'assassin de M. Thénin. Mais je sais qui c'est. Livre-le donc. Non, chef. Pourquoi ? Parce que je ne peux fournir aucune preuve. » Et que même, disant la vérité, sans preuve, nous serions, bien plus que maintenant, fort mal accommodés. Alors qu'allons-nous faire? Attendre. Attendre quoi? Que l'assassin nous ait lui-même fourni les preuves, tout en s'accusant lui-même, malgré lui. Je ne vous comprends pas. Chef, laissez-moi faire. Je crois que nous étonnerons ensuite même les plus calmes, et que les journaux n'auront pas assez de colonnes pour nous faire des éloges. Le chef de la sûreté fut donc obligé de donner du temps à Paulin Broquet et de lui laisser carte blanche. Paulin Broquet avait, au moment des constatations, dit au magistrat que dans une quinzaine de jours, l'assassin de M. Thénin se serait lui-même dénoncé et aurait prouvé son crime. Les 15 jours venaient de s'écouler. Paulin Broquet commençait à voir autour de lui quelques sceptiques, quelques impatients. Il résolut donc d'agir. « J'ai dit, répéta-t-il, que l'assassin se dénoncerait lui-même. Bon, il va le faire. » Le neveu de l'ancien banquier assassiné, les quelques jours de deuil et de recueillement expirés, avait repris son genre de vie habituel. Il revenait au cercle jouer et perdre gros. Mais, héritier de la fortune de son oncle, il trouvait facilement du crédit et pouvait commencer à liquider son oncle. Il avait pris au cercle des culottes formidables. Puis il buvait énormément, lui qui généralement se montrait relativement sobre. Charles Thénain avait une maîtresse qu'il aimait beaucoup et qui lui montrait suffisamment d'affection. Cette maîtresse, Réginald d'Oultrem, occupait un coquet appartement avenue de Villiers. Charles Thénain habitait, lui, une garçonnière rue Jouffroy. Depuis longtemps, Paulin Broquet désirait pénétrer chez Charles Thénain et y fouiller un peu. L'occasion se présenta. Charles Thénain passait une partie de la nuit au cercle, puis vers le jour se rendait chez sa maîtresse. Mais il laissait chez lui un vieux serviteur, consciencieux et fidèle, qui couchait dans l'appartement. La maison était bien gardée, il semblait difficile d'y pénétrer. Mais la mort sut devenir l'ami de ce domestique et au soir désigné par son chef, qui correspondait à un congé du domestique, il rejoignit, l'entraîna, le garda longtemps loin de la maison. Paulin Broquet mit à profit cette soirée où l'appartement de Charles Thénain était libre pour y venir à son aise faire une petite visite. Comme le plus admirable des cambrioleurs, il pénétra dans la garçonnière malgré les serrures de sûreté très compliquées. Paulin Broquet ne perdit pas de temps à fouiller dans les tiroirs où il savait ne rien trouver qui l'intéressât. Il alla sans hésitation vers l'armoire dans laquelle le domestique suspendait les vêtements de son maître. Paulin Broquet négligea les vestons, les jaquettes, les habits, écarta sans y prêter la moindre attention les gilets, il ne s'arrêta qu'aux pantalons. Il les examina un à un, les inspecta, et fixa enfin son choix sur deux inexpressibles. Il les tira de l'armoire, les disposa sur une table, et les étudia méticuleusement à la lumière d'une lampe électrique. Il choisit en dernier jugement l'un de ces deux pantalons. En tirant de la poche de son veston un portefeuille, il y prit une enveloppe de laquelle il sortit un petit carré d'étoffe à peine plus large qu'un ongle. Il compara l'étoffe du pantalon et celle de ce petit carré de drap. « Voilà, » dit-il enfin, « c'est ce pantalon. » Alors il passa la main dans l'une des jambes. Il examina cette jambe par transparence. « Rien, » fit-il, « pas celle-là, c'est donc l'autre. » Dans la seconde jambe, il passa la main et l'examina de même à contre-jour, par transparence, comme la première. « Voilà, » fit-il, « voilà la déchirure, voilà la jambe mordue. » Il posa la jambe du pantalon endommagé sur une petite table, glissa deux dans l'enveloppe blanche et put ainsi très nettement voir la blessure du vêtement. Sur cette blessure, il posa le petit bout d'étoffe et le fragment de drap vint parfaitement boucher le carré, le trou ressortant en blanc. « Donc, » dit alors Paulin Broquet, « plus de doute, il a été mordu par le chien. » Il conclut, « Je tiens mon homme. » Tranquillement, il alla replacer avec soin les pantalons au rayon qu'ils occupaient dans l'armoire, et il se retira comme il était venu.